Le lendemain, elle avait transporté toutes ses affaires dans un hôtel bon marché du boulevard du Gommier, près de la gare Saint-Charles, et s'y était installée pour la journée. En milieu d'après-midi, après maintes hésitations et surmontant ses réticences, elle avait appelé Amélie pour lui annoncer qu'elle avait quitté la maison sans lui donner pour le moment sa nouvelle adresse. Compréhensive, Amélie lui avait indiqué l'heure des obsèques de son frère sans lui demander si elle y assisterait, tout en l'assurant que sa maison lui était ouverte plus que jamais et qu'en bon lui semblerait, ce qui lui avait passablement réchauffé le cœur. Maintenant, déchirée par un petit vent de mer qui remontait de la rade d'Andoum, la brume blafarde qui recouvrait le cimetière se dissipait peu à peu, et le ciel d'automne laissait entrevoir quelques timides rayons de soleil. Une âpre odeur de marée envahissait les allées pour se répandre entre les carrés aux croix penchées. La pluie n'était pas loin. Le vieux curé avait presque terminé son office et deux hommes en noir descendaient précautionneusement le cercueil de Colpi dans le tombeau humide et obscur sous le regard glacé de Bernard. Soudain, comme hypnotisé par une présence inopportune, il avait levé les yeux et aperçut Annette qui s'esquivait prestement derrière un monument funéraire à deux pas de là. D'un mouvement brusque, et à la surprise de l'assemblée silencieusement recueillie, il avait couru jusqu'à la femme, qui l'accusait d'avoir pris la place de sa mère auprès de son père. Elle ne l'avait pas vu venir, et reçut de plein fouet une magistrale gifle qui la fit chanceler. L'homme la bouscula vigoureusement, en hurlant des mots incompréhensibles, se ruait sur elle comme la misère sur le pauvre monde, en l'accablant d'injures ordurières. Amélie avait bondi sur son neveu, et essayait de le maintenir sans ménagement, pendant qu'Annette, désemparée, lui tendait peureusement deux trousseaux de clefs enlacées. Elle était venue un peu plus tard pour dire un ultime adieu au Colpi, pensant que la cérémonie serait terminée et qu'elle ne rencontrerait pas grand monde, à part Amélie, son amie et confidente de toujours. Mais, au dernier moment, elle n'avait pas résisté à l'envie d'apercevoir, ne serait-ce qu'une courte minute, le cercueil de cet homme attachant qui avait réussi à la séduire.